Chapitre 8e. Un beau coup de fusil. Aussitôt que les Cheyennes eurent reconnu d'où venaient les coups de fusil, ils éclatèrent en un terrible hurlement de rage. Buffalo Bill vit distinctement Carter se consulter avec le chef, le grand serpent. Au bout de quelques minutes, ils semblèrent avoir dressé leur plan. Pendant que des centaines de sauvages grimpaient à l'assaut du rocher où les hommes de Ruby Creek se trouvaient, d'autres quittaient le campement, brandissant leurs couteaux, leurs tomahawks et leurs fusils, et Buffalo Bill ne douta pas que ceux-ci n'allassent essayer de prendre la roche à revers du côté de sa retraite. « Amis, cria-t-il en regardant ces hommes d'un air sérieux qu'il ne lui avait jamais vu encore, « je crois qu'il s'agit maintenant de mourir. Ce qui m'intéresse désormais, c'est que ces bêtes rouges, hideusement peinturées, ne me trouvent pas affaiblissant et abattu. J'ai vécu dans l'Arkansas en homme libre et vaillant. C'est en homme libre et vaillant que dans l'Arkansas je veux mourir. Mais avant que ces coquins nous volent nos scalps, nous en enverrons tant que nous pourrons dans l'enfer. Vive Buffalo Bill !» crièrent les hommes de Ruby Creek, et de nouveau crépitèrent les carabines, et leurs balles descendirent d'autres Indiens qui, arrivés presque au haut du rocher, furent précipités dans le vide. Buffalo Bill s'aventura jusqu'au bord extérieur. Là, se servant de la crosse de son fusil comme d'une massue, il la laissait retomber avec une effroyable violence sur les crânes des peaux rouges qui se montraient à sa portée. Tout à coup, il remarqua un sauvage de grande stature qui, son bowie knife entre les dents, avait escaladé la roche à un endroit que ni lui ni ses amis ne surveillaient. C'était le grand serpent, le chef des Cheyennes. Buffalo Bill ne prit pas le temps de recharger sa carabine. Il se précipita au-devant de l'Indien, le bras levé pour l'assommer d'un coup de crosse. Mais le grand serpent, vif comme l'éclair, se jeta à terre, saisit par les pieds Buffalo Bill qui tomba et avec une souplesse digne de ce nom, sauta sur le corps du chasseur de l'Arkansas. Buffalo Bill jeta de côté sa carabine qui n'était plus pour lui qu'un embarras. D'un coup d'œil, il avait reconnu en ce moment qu'aucun secours ne pouvait lui venir de ses compagnons, trop occupés pour leur propre compte. Il savait donc qu'il n'avait à compter que sur sa force et son adresse pour ne pas tomber victime de l'Indien. Le grand serpent avait saisi des deux mains le cou de Buffalo Bill et lui serrait la gorge si fort que le brave Cody ne pouvait plus aspirer l'air. Alors la main droite du sauvage se porta à sa bouche et au même moment, Buffalo Bill vit le bowie knife en mouvement au-dessus de sa tête. Heureusement, il réussissait, en cet instant même, à donner au sauvage un croc en jambe qui amena sa chute. Avec un sourd craquement, le grand serpent s'abattit sur la pierre et Buffalo Bill, redressé d'un bond, le saisit à son tour et put lui mettre un genou sur la poitrine. « Chien de Cheyenne, » fit-il, « mon heure n'a pas sonné, c'est la tienne. À moi ton couteau, il ne ravira plus le scalp d'aucun homme blanc. » D'un seul mouvement de sa main de fer, il tordit le poignet du sauvage dont les doigts se détendirent. Le couteau tomba avec un bruit clair tout près du corps de son maître. Le grand serpent écumait, il s'efforçait de secouer le poids de son adversaire, mais Buffalo Bill eut bientôt ramassé le bowie knife qu'il appuya sur le cou de l'Indien. Il l'enfonça légèrement une fois, et aussitôt il sentit un flot de sang chaud lui jaillir sur la main, tandis que sous lui, le sauvage se crispait dans une suprême convulsion. Les Cheyennes avaient perdu leur chef. « Par tous les jambons de Chicago !» s'écria Joe Bevins, le petit caporal, qui accourait au secours de Cody. « Vous avez admirablement fait ça. Un homme de Chicago ne saurait pas égorger un porc mieux que vous ne l'avez fait de ce sauvage. » Buffalo Bill voulait répondre au petit caporal, mais il entendit le cri de guerre des Indiens qui avaient gravi la roche par derrière et en escaladaient déjà le dernier rebord. « C'est la fin, » dit Buffalo Bill. « Nous allons nous trouver au milieu, mes amis. Nous serons écrasés comme un grain de maïs entre deux meules. Mais qu'importe, nous combattrons comme des lions, en nous recommandant au Dieu unique. » Et ils n'auront pas un de nous vivant. » Des centaines de Cheyennes apparaissaient, bondissant sur la roche, le tomahawk au poing. Ils se précipitèrent contre les héros de Ruby Creek. Ceux-ci, ne formant plus qu'un groupe compact qui faisait front partout, ouvrirent le feu des deux côtés avec une telle efficacité que les Cheyennes eurent un mouvement de recul. Mais ils ne tardèrent pas à renouveler leur attaque. Les balles bien dirigées des hommes de Ruby Creek les reçurent encore. Mais Buffalo Bill dut s'avouer qu'une telle lutte pouvait à peine durer quelques minutes de plus. Pourtant, qu'y a-t-il ? Des coups de feu éclatent au pied des rochers. Du campement s'élèvent les cris perçants des femmes affolées, les hurlements des enfants, les clameurs d'alarme que poussent les guerriers restés là. Les Indiens sur les rochers hésitent. On leur envoie d'en bas une grêle de flèches. L'aspect des choses a changé soudain comme par un coup de baguette magique. « La vie, le salut !» cria Buffalo Bill qui d'un coup d'œil avait saisi la situation. « Les Ogalala sont en bas, ils viennent à notre aide. Ah, excellente Alana, comme nous te remercions !» Sur la roche monte et se répand de tous les côtés en tous les points toute une armée de guerriers rouges qui portent l'ornement des plumes des Ogalala. Les Cheyennes sont balayées, fusillées sur les bords du rocher dont ils dégringolent les parois rapides, percées de lances, abattues à coups de tomahawk partout où ils se montrent. Le sang coule en rouge cascatelle au flanc des roches du mauvais esprit, et c'est presque exclusivement du sang Cheyenne. On pense bien que Buffalo Bill et les hommes de Ruby Creek ne restèrent pas inactifs dans cette circonstance. Quand le sommet de la roche fut déblayé, que les Cheyennes qui l'occupaient furent tous morts ou en fuite, ils reformèrent leur petit groupe et descendirent au campement dont les Ogalala s'étaient sans peine emparés. Leur cri de guerre s'étendait au loin, car une partie de leurs guerriers s'était lancée à la poursuite des Cheyennes survivants qui fuyaient dans la forêt. La ceinture des vainqueurs était garnie abondamment d'escalpes pris aux ennemis. « Es-tu content de moi, Buffalo Bill ?» dit soudain une voix auprès du chasseur du Kansas. « Alana ! « Reine, libératrice !» s'écria Buffalo Bill en apercevant la squaw blanche en costume de guerre qui s'était avancée vers lui. « Je crois que nous ne sommes pas venus une minute trop tôt, » continua-t-elle en riant. « Mais vous avez vaillamment tenu contre les Cheyennes, malgré leur nombre écrasant. Maintenant, nous en avons fini une fois pour toutes avec ces loups rouges. Ils ont mérité leur sort, car ils étaient faux, hypocrites et méchants, et le mensonge habitait leurs lèvres. Non !» « Ne me remercie pas, » reprit-elle, comme Buffalo Bill, en un geste de gratitude, voulait lui saisir la main. « Tu ne sais pas, tu ne te doutes pas pour qui j'ai fait cela. Mais où est Alice ?»« Oui, où est-elle ?» répéta inopinément la voix enrouée et grondeuse d'Enfield. « Regarde là-haut sur ce rocher, le plus haut du groupe, et tu verras ce que tu as fait, Alana, comme tu as encore cette fois enlevé Alice au brigand Jack Carters. » Un cri d'effroi s'échappa des lèvres non seulement d'Alana, mais aussi des hommes de Ruby Creek lorsqu'ils portèrent les yeux sur le point indiqué. Alice s'y tordait dans les bras de Carters, qui, voyant l'impossibilité de la fuite, s'efforçait de traîner celle qu'il aimait sur le bord de l'abîme pour s'y lancer avec elle. « C'est à la mort que tu l'as menée !» cria Enfield comme un frénétique en montrant le point à Alana. « Si tu ne l'avais pas livré aux mains de Carters, tout serait bien maintenant, que son sang retombe sur ta tête !» La squaw blanche était là, immobile et frissonnante. En proie à une émotion sincère, Enfield reprit. « Celle qui va à sa destruction, là-haut, ce n'est pas ma fille après tout, c'est ton enfant !» Un cri qui n'avait rien d'humain sortit du sein de la reine au visage pâle. Enfield continua. « Dans cette nuit, où ma femme et toi, la sœur de ma femme, vous êtes devenue mère presque en même temps. Mon enfant mourut. Pendant que ma femme était en proie à la fièvre, toi aussi tu étais sans connaissance. Et alors j'ai pris ta petite fille à ton côté et j'ai placé près de toi le petit cadavre et puis j'ai donné l'enfant vivant à ma femme. Alice, mon enfant, ma fille !» sanglotait Alana, tomba à genoux comme foudroyée. « Faut-il que je te voie périr là devant mes yeux ? Oh, qui te sauvera ?»« Elle est sauvée !» s'écria Buffalo Bill, pendant que la détonation de sa carabine se faisait entendre. « Regarde, Alana, ton enfant vivra !» Buffalo Bill avait gardé son sang-froid au milieu de ce tumulte de douleur et de passion. Vif comme l'éclair, il avait épaulé sa carabine, visé rapidement, et sentant toute la vie qui était en lui se concentrer dans ses yeux, il avait tiré. Au moment même où Jack Carters allait précipiter sa victime dans le vide, la balle de Buffalo Bill lui perçait le front et sans un cri, le bandit tombait inanimé. Quelques minutes après, Alice se trouvait descendue du rocher auprès des siens. Alana l'enfermait dans ses bras, la pressait sur son sein, baisait le visage de sa fille en l'inondant de ses larmes. Tom Towners arriva aussi triomphant avec sa Lottie. Il l'avait trouvée dans le campement. Elle n'avait aucun mal et elle se réjouissait, pleurait et riait au cou de son mari. « Et Hankins ?» demanda Buffalo Bill. « Qu'est devenu le sang mêlé ?»« Il s'est donné la mort, » répondit Lottie. « Il s'est fait justice lui-même lorsqu'il a vu qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'échapper. Au moment où il appliquait le revolver à sa tempe et faisait feu, ses derniers mots furent « Je vous aime, Lottie. » « Maintenant, » dit Buffalo Bill, l'air satisfait, « je pense que nous en avons pour un long temps de repos et de paix dans l'Arkansas. Les deux coquins, Jack Carter et Hankins, ont accompli leur destinée. Les Cheyennes sont dispersées et la bande de voleurs dont Jack Carter était le chef est détruite, ou autant vaut. C'est toi, après Dieu, Alana, que nous en devons remercier. » « Non, ce n'est pas moi, » répliqua la Reine Blanche pendant que Cody lui prenait la main. « C'est à ton énergie seulement qu'Alice et Lottie doivent de n'avoir pas été les victimes de leurs misérables ravisseurs. Tu t'es derrière eux comme un vent d'orage, et tu ne leur as pas laissé de répit. « Maintenant, viens-tu avec moi ?» murmura Alice en se courbant tendrement contre Alana. « Il y a si longtemps que tu me manques. » Alana lui répondit d'une voix profondément émue. « Il ne m'est pas permis de vivre à tes côtés. Un devoir plus haut m'appelle, qui n'est pas encore à sa fin. » J'ai juré aux Ogalala de les gouverner, de les commander, de les conduire aussi longtemps que je le pourrai. J'appartiens à tout un peuple, non à toi seul, mon enfant. Mais écoute, Alice, le serment que je te fais, aie confiance en moi, ma chérie, même s'il faut être éloigné, toujours ta mère sera près de toi. Peux-tu me pardonner, Alana ? Dit Enfield d'une voix sourde en tenant la main à la squaw blanche. Je te pardonne, répondit celle-ci. « Mais à condition que tu sois un bon père pour Alice et que tu ne la forces jamais à donner sa main à un homme qu'elle n'aime pas. » Enfield fit la promesse requise en toute sincérité. De grosses larmes coulaient le long de ses joues. « Et maintenant à la maison, à Ruby Creek !» s'écria Buffalo Bill. « Je suis inquiet de mon monde là-bas. Les Cheyennes en fuite peuvent faire à ma ferme une visite désagréable. » Cette crainte de Buffalo Bill était heureusement sans fondement. Ils trouvèrent, ses compagnons et lui, tous leurs parents et amis en excellente santé, et ils purent enfin se reposer sur leur laurier bien gagné. Alice et Mr. Enfield, après être restés plusieurs jours à la ferme de Cody, retournèrent ensemble à l'agence indienne. Ils étaient à peine entrés dans la maison qu'un employé de Mr. Enfield leur montra, à leur grande surprise, un petit coffre en bois qu'un Indien inconnu avait apporté quelques heures auparavant. Sur le couvercle du coffre étaient gravés ces mots: pour la dot de ma chère Alice. Ils ouvrirent la cassette et virent briller de l'or non monnayé, qui ne représentait pas une fortune peu considérable. Alana, la reine blanche des Ogalala, gouverna son peuple pendant 2 années encore. Puis, par une effroyable nuit de tempête, où le tonnerre roulait, où les éclairs zébraient ce ciel noir et où le vent d'orage hurlait autour du campement des Ogalala, elle disparut sans laisser de traces. C'était par une nuit semblable qu'elle avait apparu pour la première fois aux Ogalala. Ceux-ci disent qu'elle est retournée vers le Grand Esprit après avoir mis le peuple rouge dans la droite voie. Ils ont la mémoire de leur reine en haute vénération et ils l'adorent comme une divinité. Où se retira Alana lorsqu'elle disparut par cette nuit de tempête, nous aurons peut-être l'occasion plus tard de le raconter à nos lecteurs. Provisoirement, cela reste pour tous un mystère. Le célèbre chasseur de l'Arkansas, Buffalo Bill lui-même, lorsqu'il parlait avec admiration et révérence de la reine Alana, la considérait comme véritablement morte. Ainsi s'achève, à la rescousse, ou les francs-tireurs à cheval, une aventure de Buffalo Bill.